La traversée de l'Hudson, de Peter Stefan Jung. Premier épisode. Nous sommes à bout de force. Mon fils a derrière lui 29 heures de voyage. Vous voyez pas qu'il en peut plus? Ça saute pourtant aux yeux. Nous faisons la queue depuis un quart d'heure. Je veux parler à votre chef. Calmez-vous, madame. Non, je ne peux ni ne veux me calmer. Je t'avais bien dit qu'on devrait prendre un taxi. Votre fils vient de passer 20 heures enfermé dans un avion, c'est pas banal. Non, il a pas passé ses 29 heures dans l'avion, Dieu merci. Tout de même pas, hein, Gustave? Il va s'en remettre, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas la même résistance que d'autres hommes de son âge. Il a subi une opération du cœur. Et enfant, déjà, il n'avait pas une très bonne santé. Bon. Vous avez enfin trouvé? Vous me dites que vous avez fait une réservation au nom de Bubine. Rubine avec un R, pas avec un B. Je vous demande un peu, ça aura l'air de quoi? Ce sera un nom ridicule. Pas étonnant que vous ayez du mal à retrouver la réservation. Ça. Rubine, ça y est, je l'ai retrouvé. Une Pontiac, ça vous va? Une Pontiac? Gustave, pourquoi pas, hein? Quelle couleur? On ne sait pas. Que s'est-il passé pour que votre voyage soit aussi long? En fait, un réacteur est tombé en panne au-dessus de l'Atlantique et on l'a remplacé pendant la nuit. Tu vas tout de même pas t'excuser d'être fatigué? On l'a hébergé dans l'unique hôtel de l'aéroport de Reykjavik. Il a très peu dormi. Il fait clair toute la nuit là-bas. Il avait oublié son masque de repos. Bien sûr, la compagnie en offre à tous les passagers, mais quand il n'a pas le sien, qui est merveilleusement moelleux, du cher Hermès, c'est moi qui l'ai lui offert pour ses 40 ans, pour lui, c'est terrible. Il est tellement habitué à ses affaires, il ne peut pas dormir avec un masque flanc. En banc neuf, qui sent encore l'usine, en plus. Tenez, signez en bas. Voici les clés. Gustave avait eu peur lorsque la femme commandant de bord avait annoncé qu'un problème technique l'obligeait à faire escale à Reykjavik. Qu'à mi-chemin entre les côtes d'Irlande et d'Islande, elle préférait ne pas faire demi-tour. Depuis des années déjà, il avait peur en avion. À chaque départ, il était terriblement oppressé, plusieurs jours à l'avance. Néanmoins, assis au milieu de la rangée 17, il prit l'annonce plus calmement que la plupart de ses voisins. Plus d'une fois, il entendit la remarque, pas étonnant, une femme aux commandes. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dis donc, ça n'est pas tolérable ! Une auto aussi affreuse ? On va la changer ! Mom, je t'en prie, cette voiture fera très bien l'affaire. Il n'avait pas la force de revenir au bureau de location pour louer une voiture qui convainc mieux. Vraiment fatigué. Il voulait arriver le plus vite possible à Carmel, où depuis la veille, sa famille l'attendait dans l'inquiétude. Et les enfants au plus vite. Mom était venue deux fois pour rien à l'aéroport, pour s'entendre dire que l'appareil atterrirait avec beaucoup de retard. Tu viens, Mom ? Si elle avait alors appris la vérité, elle aurait probablement eu une attaque. Gustave, lui, calculait que le trajet jusqu'à la maison au bord du lac prendrait 2 heures, 2 heures et demie au pire. Les vendredis après-midi, la circulation était dense sur les routes de New York. Ce trajet de l'aéroport à la maison de vacances sur le lac Gilead, il l'avait fait plus d'une fois en 90 minutes, mais jamais encore un vendredi. Le billet avait été pris de façon à ce qu'il arrivât le jeudi après-midi. Par principe, il ne prévoyait jamais de traverser l'Atlantique un vendredi. J'ai écouté les nouvelles toute la journée. C'est indispensable. Ton avion a failli tomber, ça me suffit comme nouvelle pour aujourd'hui. Lorsque dans l'avion, il avait ouvert son bagage à main, il s'était aperçu qu'il avait laissé sa musique à la maison. Il était en retard et pressé, le taxi klaxonnait déjà, et il avait oublié sur la commode de la chambre à coucher son livre de prière et les CD. Tu peux pas faire les deux à la fois. C'est terriblement dangereux. Madeleine, ça, je t'en prie. Oui, nous sommes déjà dans la voiture. Déjà, c'est beaucoup dire. Tu as raison, mon trésor. Un jour de retard, un voyage atroce, on peut le dire. Oui, mais mère va bien, je crois. Non, je ne suis pas particulièrement fatigué. Ne t'inquiète pas. Non, Madeleine, il n'y a pas le moindre policier à l'horizon. Je t'en prie, je téléphone pas longtemps. Oui. À 4 heures et demie, au plus tard, je suis auprès de vous. Oui. Quand débute le Shabbat? Non. Et les bougies? Oh. All right, attends. Maman veut te parler, je te la passe. Vous et votre Shabbat. Mon fils religieux, j'arrive toujours pas à le croire. Pardon? Je lui ai dit aussi qu'il fallait pas téléphoner en conduisant. Pardon? Il a une mine affreuse. Mom. De déterrer. Et il a loué l'auto la plus hideuse que tu puisses imaginer. Une voiture de souteneur. Non, non, je ne vais pas me disputer avec lui. Comment vont les enfants? Amadé nage? Il n'y a donc personne pour le surveiller? Que fait Julia? Vous êtes en bas, sur le ponton? Tant mieux. C'est ça, à tout à l'heure. Bon, à partir de maintenant, c'est moi qui garde le téléphone. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que c'est, ces bougies? Mais tu as déjà vu ça chez nous, môme. Les bougies qu'on allume pour Shabbat. C'est l'instant qui sépare la semaine de travail écoulée du jour de repos. Mon fils religieux, inconcevable. Manhattan surgit. La silhouette des gratte-ciels enveloppée de voiles de brume gris-jaune. Chaque fois qu'il arrivait en vue de la ville, Gustave avait la sensation de rentrer chez lui. Cela lui envahissait le ventre, lui descendait dans les jambes. Nulle part ailleurs, il ne ressentait rien de comparable. Il traversa le quartier de Jamaïca. 45 ans et 3 mois auparavant, le 11 mai 1954, il était venu au monde près de là, à l'Elmhurst Hospital Center du Queens. Il avait grandi en Europe. Ses parents, émigrés tous deux, ne voulaient pas pour fils un étranger, quelqu'un qui, pendant ses années de collège, deviendrait un joueur de basket ou de baseball, qui ne saurait pas bien leur langue maternelle. En un mot, ils ne voulaient pas d'un Américain. Au fait, tu as mangé quelque chose? Tu n'as pas faim? C'est pas Yom Kippour aujourd'hui, hein? Mais on a eu bien assez à manger dans l'avion. Moi, j'ai une petite faim, j'avoue. On pourrait peut-être s'arrêter un instant quelque part. Mom, je t'en prie, je veux arriver à la maison aussi vite que possible. Oh, ne sois pas aussi pleurnichard. T'es un peu trop gros pour ça. On dirait de la graisse de bébé. Ça dérange pas ta femme que tu sois un peu enveloppée en ce moment? Mom, je t'en prie. Fiche-moi la paix. Je ne suis pas gros, vraiment pas. Bourchi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as pris par là? Mais ça fait que rallonger, voyons. C'est toi qui es si pressé, hein? C'est pas moi. Tu prétends toujours avoir le sens de l'orientation et être capable de rentrer chez toi les yeux fermés, et tu n'es toujours pas fichu de trouver ton chemin. Je crois que tu le fais exprès. Juste pour me taper sur les nerfs, comme si j'avais pas eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Il s'arrêta à une station-service. T'as pas une meilleure carte? Uniquement celle de la firme de location? Et où vas-tu, s'il te plaît? Il trouva sur un rayon de la station-service l'un des CD qu'il avait oublié chez lui et acheta des cacahuètes, des raisins secs, des petits gâteaux, une canette de coca. Oh Lord, don't you bow. Arrête! Oh, ça me tape sur les nerfs. Écoute ça quand tu roules seul, mais pas avec une dame de 81 ans dans le siège éjectable d'un instrument de torture qui prétend être une auto. Tout ça parce que monsieur mon fils est trop flemmard pour aller changer une voiture qui est absolument inacceptable. Alors, qu'est-ce que tu fais des criailleries de cette femme? Tu les arrêtes? Tu as un maillot de corps en fait? Oh, il fait une chaleur insupportable, Mom. Tu vas prendre le froid si tu n'as pas de maillot de corps. Un maillot de corps absorbe la moiteur de la peau et stabilise la température du corps. Tu me dis ça depuis que je suis capable de penser. Tu as raison. Mais je me sens mieux sans maillot de corps. Ah, pas pour t'être. Toujours des maillots de corps. Il adorait ça, cette sensation de chaleur douillette. T'as vraiment grossi, Bourchi. Mom. Depuis le printemps dernier. Excuse-moi, mais il fallait que je te le dise. À part moi, vraisemblablement, personne ne te le dira. Madeleine me trouve beau comme je suis. D'abord parce qu'elle a aucun goût. Et ensuite parce que elle veut pas te blesser. Toi, en revanche, tu veux me blesser. Au contraire, je veux juste que tu te sentes bien dans ta peau. Tes oreilles ne sont pas très jolies, te l'ai-je déjà dit? Cette absence de lobe, t'affreux. Arrête maintenant, je t'en prie. Tes cheveux tout fins, sans couleur. Bref, Mina. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais que je monte? À hauteur de la 125e rue, au coin de Park Avenue, ils aperçurent un grand panneau réclame signalant une succursale de la firme de location de voitures. Tu vas t'arrêter et voir si on peut prendre une autre auto. Devant la vitrine du bureau de location était garée une large voiture d'un blanc de neige qui brillait sous le soleil pâle. Gustave expliqua qu'il avait loué la voiture une heure auparavant à l'aéroport, mais qu'il était extrêmement mécontent de sa couleur. Il demanda s'il serait possible d'échanger la Pontiac rouge contre la Cadillac blanche et combien celle-ci coûterait de plus par mois. Il signa un nouveau contrat, présenta sa carte de crédit, remercia l'employé aussi chaleureusement que s'il venait d'obtenir le sésame pour pénétrer dans une caverne au trésor. Il avait l'air très gentil, ce nègre loueur de voiture. T'aurais été le moment de mettre ton maillot de corps. Arrête ça, je t'en prie. Je te l'ai déjà demandé tout à l'heure, pas de radio. Il n'y avait pas de lecteur CD dans cette voiture, seulement un lecteur de cassette. Il s'avisa qu'il avait laissé le disque de Janis Joplin dans la Pontiac. Cela l'agaça. Pourquoi grognes-tu si bizarrement, Gustave ? Rien, c'est rien. Tu as oublié quelque chose dans l'autre auto ? Pas très important. Gustave calcula qu'il pourrait bientôt serrer sa famille dans ses bras. Sa fille de 5 mois, son fils de 9 ans, sa femme qu'il aimait si fort. L'aimait-il si fort ? Mais pas comme les premières années. Parce que ça n'existe pas. Ça n'arrive jamais. Ça ne s'est produit que chez tes parents. Tu ne peux pas la chérir au bout de 10 ans comme au début. Tu as été heureux avec elle pendant 2 ans. Ensuite, elle t'est devenue indifférente. J'ai pas raison. Maman, de quoi tu parles ? De ta femme. À l'instant, tu pensais à vous deux ? Ou non ? Nous nous sommes beaucoup aimés, papa et moi. Et pas seulement comme frères et sœurs, comme c'est souvent le cas dans les vieux couples, non. Vraiment aimés. Jusqu'à la toute fin. Papa adorait poutouner avec moi, coucher avec moi. Ensemble, nous avons tout fait, tout comme au début. Ça sera pas comme ça entre toi et ta madame. Si Ludwig s'est toujours senti si bien avec moi, c'est que je l'amusais, que je le faisais rire, qu'il s'est jamais ennuyé avec moi pendant toutes ces années. Et de toute façon, il ne m'a jamais trompé, parce qu'il était particulièrement heureux avec moi. Il n'avait besoin de rien d'autre avec moi. Et puis-je te rappeler que tu disais encore, il y a 5 ans, que tu ne supportais plus, que tu voulais à tout prix divorcer. Tu as oublié ? Tu délires ! J'aimerais comprendre pourquoi tu tentes de répandre ce genre de légende. À quoi ça t'avance ? Parce que tu n'es pas aussi heureux avec ta femme que je l'étais avec papa. Tu veux nous gâcher rétrospectivement notre bonheur. Chut, tout ce coin. J'en ai rien à faire. Je ne l'aime pas. Je n'arrive pas à comprendre que vous y passiez chaque année vos vacances. C'est bien pour moi, naturellement, car comme ça j'ai la chance de te voir. Mais comment ? Peut-on trouver que c'est beau, ici ? Quand je compare ça au paysage autrichien, sans cette beauté autrichienne, je ne suis pas vraiment moi-même. Mais pour papa, c'est important d'être souvent ici à cause de son travail, de ses cours, c'est dommage. Les gens ne me manquent pas, ces Autrichiens. Eux, non. Dieu, quel peuple minable ! Je vis là-bas, maman. Peut-être devrais-je te le rappeler de temps à autre. Tu vis là-bas pour gagner de l'argent. Oui, je sais. Vraisemblablement parce que c'est ce que veut ta madame. Maman, Madeleine préférerait vivre ici, en Amérique. Ah. Ah. Enfin, bon. Oh. I'm a believer. Comme cette chanson l'avait enthousiasmé lorsqu'il avait 12 ou 13 ans. Comme il était attaché à chaque strophe. Pendant des semaines, ce hit des Monkees fut numéro 1 des hit parades en Amérique et en Angleterre. Tous les vendredis, à 6h du soir, il était assis en tailleur par terre dans sa chambre. La radio gris-argent, grosse comme une boîte à chaussures, réglée sur 49 ondes courtes. Et il écoutait les top 20 de BBC World Service. Il comparait le classement des chansons à celui de la semaine précédente, notait les résultats des hit parades dans des listes spécialement dressées pour cela. C'est l'époque où il commença à se toucher avec le bout de 4 doigts. Le pouce et l'index de la main gauche, le pouce et l'index de la main droite. Les quatre formaient un anneau solide qu'ils faisaient aller et venir près du bout de la queue. La délicate douleur devenait de plus en plus exquise jusqu'à ce que, brusquement, avec une soudaineté inouïe, l'orgasme vienne. À cette époque des quatre doigts, le père rentra un jour de voyage 24 heures plus tôt que prévu. Gustave venait tout juste d'étaler ses exercices d'allemand et de maths sur la table ronde en teck de la salle à manger. Bonjour, mon beau chien. J'ai perdu mes clés dans un cinéma à Stockholm. J'ai pris l'avion. Gustave sentit l'alcool dans l'haleine de son père. Tu sais, dans l'avion, on te sert du champagne et on n'a pas à le payer. Maman est là ? Que Ludwig Rubin rentra un jour plus tôt que prévu, c'était à peu près aussi inconcevable que si le Danube avait coulé en sens inverse ou que si les deux collines de Kahlenberg et de Leopoldsberg s'étaient effondrées en même temps. Il ne faisait jamais rien sans la permission de sa femme, c'est du moins ce que croyaient la mère et le fils. Elle avait peur de prendre l'avion, elle ne l'avait jamais pris de sa vie, et elle interdisait à son mari et à son fils de s'y risquer. Quand le père avait à se rendre au Japon pour ses travaux de recherche, ou quand, avant qu'il soit revenu aux États-Unis, il devait aller à des colloques ou donner une série de conférences, il prenait toujours le bateau. Mom était en ville et rentra 2 heures plus tard. Il fallut des semaines pour que la mère se remît quelque peu du choc qu'avait été le retour prématuré de son mari. Mais depuis ce jour exceptionnel, le père ne voyagea presque plus que par avion dès qu'il s'agissait de grandes distances. Au fait, comment va ton ami ultra-religieux là ? Dieu que ce raffut m'énerve. Tu lèves la vitre, je te prie. J'ai plusieurs amis ultra-religieux. Tu sais très bien de qui je veux parler, de celui à qui je dois que tu ne sois plus le même pour moi, de celui qui a jugé bon d'aller te chercher une séfarade qui te l'a mise dans les pattes et t'a marié avec elle. Au lieu que tu te cherches toi-même une femme, une ashkénaze au moins, s'il fallait que ce soit une juive, une que tu aimes et que tu idolâtres vraiment, et pas une qui est seulement pieuse et qui n'est jamais contente, comme si elle avait espéré davantage de la vie. Je t'en prie, ne recommence pas, Mom. Je suis heureux avec elle. Nous sommes heureux avec nos enfants. Ça te suffit ? Ne noircis pas toujours tout. Je noircis toujours tout. Je t'aime terriblement. Et c'est cet amour qui me fait parfois dire les choses comme je les sens. Alors, que devient cet ami ? Il est furieux contre moi parce que je reste absent 4 semaines cette fois. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle le commerce des peaux et des fourrures s'arrêterait en plein été, c'est précisément pendant les mois chauds que les fourreurs travaillent d'arrache-pied, afin de pouvoir répondre à la fructueuse demande de l'automne, de l'hiver et de Noël. Richard Lichtmann ne s'accordait plus de longs congés depuis que ses 3 filles étaient adultes. Il n'entendait pas quitter son travail plus de quelques jours. À son associé, Gustav Rubin, il ne consentait que de mauvaise grâce des vacances excédant 1 semaine. S'ajoutait à cela que la branche traversait depuis quelques années une crise qui allait s'aggravant. Les campagnes agressives de l'association de protection des animaux n'étaient pas restées sans effet. Il arrivait de plus en plus souvent que les vitrines des fourreurs viennois soient barbouillées dans la nuit de rouge et plus d'une fois de sang. Lichtmann et Rubin avaient fréquenté la même classe, mais après le baccalauréat, il s'était perdu de vue. Richard était parti pour Jérusalem, afin d'étudier dans une école biblique, tandis que Gustave menait à bien ses études d'histoire à New York et pendant des années ne revenait que rarement en Europe. Peu après la publication de sa thèse de doctorat, il commença d'être connu dans sa discipline, publiant dans des revues, tant américaines qu'européennes, des études relevant de sa spécialité, les accords de paix pendant la guerre de 100 ans. Il commençait à se faire un nom. À l'époque, il ne parvenait pas à décider où il se fixerait, s'il allait vivre à Vienne, Berlin, Paris ou bien à Zurich, si ce serait sur la côte ouest ou est des États-Unis. Au fond, il avait jusque-là toujours habité à proximité de ses parents, que ce fût en Europe ou en Amérique. Ludwig Rubin enseignait alors, à la fin des années 70, à l'université Southern California, à Downtown Los Angeles. C'était un professeur de physique et de recherche nucléaire de renommée internationale. Gustave vivait dans un petit bungalow dans les collines d'Hollywood, entouré de ses livres, à guère plus de 10 minutes à pied de ses parents. De quoi veux-tu vivre à l'avenir, Gustave? Tu peux volontiers continuer à vivre à mes frais si c'est réellement ça que tu veux. Seulement, je ne suis pas sûr qu'à la longue, cela te rende vraiment heureux. Mon cher Gustave, veux-tu être mon associé? Peu de temps après, il recevait une lettre de son ancien camarade de classe, Richard Lichtmann, qui était revenu à Vienne et était devenu le chef en second de l'entreprise paternelle. La proposition qu'il soumettait par écrit à Gustave parut à celui-ci tellement aberrante qu'il dut lire plusieurs fois ses lignes pour comprendre ce qui lui était offert. Une preuve de plus, songea-t-il, du peu de cas que Lichtmann fait des recherches auxquelles je me suis consacré pendant près de 10 ans. Non, Richard, ne m'en veuille pas. Ton offre procède d'une bonne intention, mais elle manifeste à l'évidence combien tu m'as peu compris et à quel point, au cours des années, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre et perdus de vue. Quel dommage. La lettre à peine expédiée, cette offre de Vienne lui parut certes toujours aussi saugrenue, mais soudain un peu moins dépourvue d'attrait qu'au premier moment. Le métier de fourreur, dont il faudrait certes qu'il commence par apprendre le béaba, pourrait sûrement se concilier, après une phase d'apprentissage, avec ses travaux de recherche. Donc, pourquoi n'être pas fourreur le jour et poursuivre ses recherches le soir, la nuit, ou les week-ends et pendant les vacances? Moi, tu me rendrais singulièrement heureuse, car tu embrasserais la profession avec laquelle j'ai grandi, dans la puanteur des fourrures, des peaux, du tannage. Les manteaux de ton grand-père de Trieste étaient à Vienne les plus célèbres de tous les manteaux, et même loin de Vienne, bien au-delà des frontières de la monarchie austro-hongroise. On connaissait les coupes élégantes des manteaux de la maison Fuchs. Ah, même en rêve, je n'aurais jamais cru que mon enfant reprenne le métier de mon père. Mais fatty stranger than fiction, sans aucun doute. Outre cela, elle voulait empêcher à tout prix que les liens se resserrent entre Gustave et son ami du moment, Laurie Zimmer, car elle estimait qu'elle ne faisait pas le poids. Elle est beaucoup trop commune pour toi. Regarde un peu ses parents. Des gens vraiment mal dégrossis, des juifs de négoce qui importent des pulls, des pantalons, des vestes en laine. On ne peut pas fréquenter ça. Quant à l'épouser, Dieu nous en préserve. Mais c'est justement ça que tu veux faire de notre Gustave. Tu veux le transformer en juif de négoce, comme l'était ton père. Mon fils fourreur, vous êtes devenus fous tous les deux. Ça me fait penser au fils unique de mon ami Erwin Chargaff. Ce Ted est devenu policier à Los Angeles. Bon, certes, spécialiste d'affaires criminelles, mais policier. Le fils d'un des plus grands biologistes et philosophes de notre époque. Un policier en patrouille. Le fils d'Adorno, qui m'a confié ça en pleurant, a ouvert une affaire d'aliments pour animaux. Adorno fait naturellement comme s'il n'avait pas d'enfant. Il dissimule qu'il est père, tellement il a honte. Je ne permettrai pas, je ne veux pas qu'on dise à l'avenir le fils de Ludwig Rubin est fourreur. Gustave, à l'époque, suivait plutôt les conseils de sa mère. Il envoya un télégramme à Richard, lui demandant de mettre à la corbeille, sans la lire, la lettre qui allait arriver dans peu de jours, et se déclarant d'accord pour un mois d'essai pendant l'été. Il fit ses adieux à Laurie Zimmer et lui promit de revenir au bout de 5 semaines au plus tard. Et il ne revint jamais. C'était La traversée de l'Hudson de Peter Stephan Jung. Traduction Bernard Lortolari. Adaptation Julien Douminck. Premier épisode avec Daniel Lebrun, Mom. Christophe Giordano, Gustave. Jean-Gabriel Nordmann, Ludwig. Thibaut de Montalembert, le narrateur. Et les voix de Louisa Bentoumi et Sébastien Logeni. Bruitage, Patrick Martinache. Musique originale, composée par Dominique Massa et interprétée par Erwan Ricordo. Équipe de réalisation, Émilie Couette, Clémence Gross, Kevin Lebars, Julien Douminck, François Christophe.